La veuve. Dans le village, les commentaires des femmes allaient bon train. Elle a perdu la tête depuis que son Albert est mort en mer. Drôle de vie quand même, femme de marin. Je suis certaine qu'elle l'attend, son Albert. Elle ne croit pas à sa mort. Elle n'est pas venue aux obsèques. C'était tous les jours le même scénario. Quand la mer était loin, les villageois voyaient la veuve descendre sur la plage. Tantôt elle priait à genoux face à la mer, tantôt elle levait les bras au ciel. Elle arpentait la plage des heures durant, les yeux posés sur l'horizon, jusqu'à ce que la nuit ou la marée montante ne la ramène chez elle. On la plaignait. C'était malheureux, cette femme devenue muette. Elle était encore jeune, elle aurait pu refaire sa vie avec le hyacinthe. Il n'attendait qu'elle. Albert racontait même à qui voulait l'entendre qu'ils avaient été amants il y a longtemps. Mais tous et toutes se trompaient. Si elle se mettait à genoux sur le sable, c'est qu'elle remerciait la mère de lui avoir pris si vite son époux. Si elle levait les bras au ciel, c'était pour danser. Si elle cachait son visage dans ses mains, c'était pour cacher ses rires, pour rêver à la joyeuse vie qu'elle mènerait demain, quand elle aura quitté cet affreux village breton. Et si elle ne parlait plus, c'était pour ne pas se trahir. Aujourd'hui, la mère commençait à se retirer quand elle est descendue sur la plage. Elle marchait depuis un moment sur le sable vierge, quand elle sentit une présence dans son dos. Elle se retourna. Personne ne la suivait, la plage était déserte, mais il y avait l'empreinte de 4 pas sur le sable. Celle imprimée par ses propres pieds nus, et celle... Albert, non, Albert, va-t'en, laisse-moi vivre maintenant, va-t'en, va-t'en. Quelques villageois qui baguenaudaient la virent fuir, la peur sur le visage, tout droit le long des vagues, comme un cheval emballé. Ils crièrent aussi fort qu'il leur était permis. « Annie, non, pas par là, non, arrête, les sables mouvants !» Personne n'arriva à temps.